fait hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Je vous emboîte comme des Lego hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Vas-y poke moi comme un pédo hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Je vous emboîte comme des Lego hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Vas-y poke moi comme un pédo. Toutes les meufs ont le même discours, elles recherchent un mec sincère. Et tous les gars veulent que leur go sorte tout droit d'un dispensaire. Qu'elle n'ait jamais touché d'eux, mais qu'elle a mal axe comme personne. En fait une vraie petite sainte n'y touche, mais sur le matelas une vraie cochonne. Non, y'a que la pratique qui nous entraîne. Donc si ta meuf est un bon coup, c'est qu'elle a bu des litres de sperme. Les filles recherchent des charmeurs, mais qui n'iront pas voir ailleurs. Autant inculper un aveugle d'avoir des petits côtés voyeurs. Elles pleurent tous comme des connes quand nos mecs les ont cocus. Mais chérie, si ton mec déconne, c'est normal, on pense tous cocu. Tu cesses de le répéter, pourtant t'as toujours mal au crâne. La prochaine fois, au lieu de parler, t'iras te chercher des Doliprane. Non, non, cherche pas d'excuses, on est des connards, on l'avoue. Croyez tous au grand amour, j'ai envie de vous dire honte à vous. Avec vos petits cœurs, vos petits loves, vos petits je t'aime, tu me mens. Si tu savais la vérité, chérie, depuis le début, il te ment. Ton mec n'est pas comme ça, il est sincère et te fait briller. Moi, je dirais juste qu'il est malin, car il ne s'est pas fait griller. Ton mec n'est pas comme ça, il est sincère et te fait briller. Moi, je dirais juste qu'il est malin, car il ne s'est pas fait griller. Ça fait hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Je vous emboîte comme des Lego hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Vas-y poke moi comme un pédo hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Je vous emboîte comme des Lego hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Vas-y poke moi comme un pédo. C'est Alex et qui est le démineur pour les intimes. Pendant qu'il y en a qui sucent pour un mars ou pour des centimes. Bouge la tête, les goumous, je me sens imbattable. Je sens la bête, tape dans les boules sur un bête de son de bâtard. Toutes les meufs ont des sevilles, avec le temps ils sévissent. Passer du rire au mode zombie, des fois c'est dur de rester pisse. Je t'explique un truc ou cas où t'aurais pas compris. Si elle est belle, elle sera casse-couille, faut voir le rapport qualité-prix. Tu peux pas me contredire si je dis que toutes les meufs elles sont enceintes. Alors que nous on attend patiemment de pouvoir les baiser enfin. Claque les enceintes pour un MC légendaire, moi les meufs ternes, j'y mets un terme, je les enterre et je les emmerde. Parlons d'extrême, t'as les nymphos en mode alligator. Chérie, croque pas si fort, tu sais, j'suis pas Terminator, habitateur. Pour ça, j'tape pas dans les salopes, sans toutes épaules avec une fille bien. Ou bien tu l'as fait Gano. Ça fait hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. J'vous emboîte comme des Lego hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Vas-y, poke moi comme un pédo. Par ici les gosses, ça fait hey, oh. Je vous emboîte comme des Lego hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. Vas-y poke moi comme un bello. Tous les mecs sont des crevards qui recherchent des billets. Et toutes les piates cherchent un connard avec en poche beaucoup de billets. Si ta recherche est dans ce style, alors arnaque les liens. Sinon comme toutes ces conquêtes, elle va très vite t'oublier. J'arrive en d'esprit aussi suspect que Kevin Spacey. J'allume un que si avec l'aisance de Lionel Messi. Un basic, je suis spécial. Moi j'arrache tous les strings ficelles. Appelle-moi MC Vénère, Super Saiyan qui baisse des pucelles. Je croque dans ta lingerie comme une gourmandise. Mais tes formes sont tellement plates que je cherche encore tes cerises. Je croque dans ta lingerie comme une gourmandise. Mais tes formes sont tellement grosses que je crois avoir toute la Normandie. On est tous un peu infidèles, ceux qui disent le contraire mentent. Ça existe pas les gens fidèles, c'est juste les occasions qui manquent. Les meufs me comprennent pas comme si j'étais Brad Pitt dans Snatch. Le match c'est ma dans ta rien que j'fais des smash. Ça fait hey, oh. Venez par ici les gosses, ça fait hey, oh. J'vous emboîte comme des Lego hey, oh. Venez par ici les gosses.